Des amis disponibles et publics. S'il emprunte aux abeilles une forme pour sa cité. Au mandril. Un. Un axiome. Pour sa férocité. Il va mal dans la te regarde parmi les tiens, comme du gibier sociologique. S'il pleure la perte du beau éternel, s'il se lave de toute tourmente. Si la solitude lui est une maladie. S'il veut guérir la mélancolie. Tue-le.